est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Il fait très froid dehors, c'est vrai que nous sommes au mois de janvier, c'est l'hiver. Et 2 heures de métal va vous réchauffer l'esprit, le corps et les oreilles surtout. Ce soir, ce qui nous attend, il y aura 4 nouveautés. Donc dans des genres complètement différents. Comme vous connaissez l'émission, j'imagine. Donc on va faire un petit survol de tous les genres et sous-genres donc qui composent notre style musical préféré. Enfin, vous connaissez l'émission puisqu'on sévit déjà depuis plus de 17 ans maintenant et que ce soir, c'est quand même le 737e numéro. Ça commence à faire. Donc ce soir, eh bien pour commencer, je nous ai choisi de commencer de façon reposante, enfin reposante façon de parler, avec le nouvel album de Edenia, que vous devez commencer à connaître, puisque ça fait déjà 15 jours qu'on vous en passe, l'excellent deuxième album Another Place, mélange de aux limites du rock, du prog, du folk, une chose très intéressante, pour, vraiment un joli coup de maître, avec un morceau très épique pour commencer, qui s'appelle Inside Your Walls, qui commence tout doucement et qui finit par s'agacer un petit peu. Enfin, écoutez bien, je pense que ça va vous botter. vraiment sympa. Ça, plus j'écoute l'album, plus ça me plaît. Moi, je pense vraiment aux grandes heures de The Gathering. Vous trouvez pas non plus, ça? Donc, extrait de Another Place, le deuxième album d'Edenia. C'était Inside Your Walls. Eh bien, on va se faire une des quatre nouveautés que je vous ai promis, avec un nouveau live de Dream Theater. C'est vrai que depuis maintenant l'été 2021, du Dream Theater, vous en bouffez assez régulièrement. Il faut dire que le groupe, maintenant, tous les mois, sort un official bootleg. Soit il réédite du vieux matériel qui était disponible sur l'ancien label de Mike Portnoy, l'ancien batteur It's a Jam. Et de temps en temps aussi, il en profite pour glisser entre les deux des petites nouveautés, des concerts un peu plus récents. Pour notre plus grand plaisir, d'ailleurs. Là, pour ce soir, c'est le tout nouveau qui est sorti là au mois de janvier. C'est le concert de New York du Madison Square Garden 2010, où Dream Theater jouait donc en première partie d'Iron Maiden, donc un show beaucoup plus court et beaucoup plus compact, qui ne contient que 6 titres. Il faut dire que bon, avec Dream Theater, les morceaux de moins de 5 minutes sont quand même pas légion quand même. Et aussi, c'est un des derniers concerts de Mike Portnoy avant qu'il ne parte vers d'autres aventures. Comme vous le savez, d'ailleurs, Dream Theater, à mon avis, ne s'est jamais vraiment totalement remis de son départ. Parce que tout talentueux qu'il soit, Mike Mangini, qui est très bon batteur, n'avait pas... Il n'a pas le petit truc que Portnoy avait en plus, et en même temps, c'était quand même autre chose qu'un batteur, puisque c'était le leader du groupe, il s'occupait de pas mal de choses. Et maintenant que c'est Petrucci qui a les rênes, le groupe est devenu beaucoup plus... conventionnel. Enfin, ça, c'est que mon avis personnel. Donc, sur ce live, donc, on va dire short, puisque donc le groupe joue en première partie, c'était surtout une sorte de best-of, mais il y avait comme un titre extrait du dernier album en date qui était Black Clouds and Silver Linings, qui était A Rite of Passage. Donc, on va s'en faire une petite version live, c'est quand même pas si courant. All right. Rite of Passage, extrait du nouveau live de Dream Theater, live at Madison Square Garden 2010, qui est sorti début janvier, et le prochain official bootleg de Dream Theater sortira donc au mois de février, bien sûr, et ce sera donc les démos de l'album Distance Over Time, l'album de 2017, donc voilà. Ça, c'est pour les fans. Eh bien, on va continuer toujours en live. Et là, on va faire un retour vers le futur. Et en même temps, on va en profiter pour rendre hommage. Vous avez entendu certainement le grand chanteur-guitariste David Crosby est décédé donc la semaine dernière à l'âge de 79 ans. Qu'est-ce que je raconte? 41, un peu plus, 81 ans. Quand on connaît le style de vie du monsieur, c'est déjà très beau qu'il était jusque-là. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu à la marge de notre style préféré, mais enfin, il a quand même bien marqué l'histoire du rock, puisqu'il fait partie du groupe The Byrds dans les années 60, et après son départ avec Crosby, Stills & Nash, qui a été rejoint ensuite par Neil Young, dont il mélangeait guitare électrique, guitare folk, enfin plein de choses, et puis une carrière solo longue comme le bras, enfin voilà, on va pas en dire plus. Enfin, toujours est-il qu'on va se revenir donc au fabuleux live Four Way Street qui était sorti en 1971 et qui regroupait des enregistrements de leur tournée de 70 de Crosby, Stills, Nash & Young, donc des Crosby associés à Stephen Stills, Graham Nash et Neil Young, et un superbe morceau où c'est David Crosby qui chante, ça s'appelle The Lead Shore. Electric Shock devient Acoustic Shock pour le moment. Fish run. There I heard a story from the sailors of the Santorini. There's another island 8 days running away from here, and it's empty and free. Thank you. that sells at dinner. Women are calling at me to end my tales, but perhaps I'll see you the next quiet place. A furrow I say. Right. Petite parenthèse Acoustic Choc à l'instant avec, vous aurez reconnu Pearl Jam et son grand classique Black, extrait de l'album MTV Unplugged sorti en 2020, bien qu'il ait été enregistré en 1992. Juste avant, lui aussi, ce live a été enregistré en, il y a très longtemps, puisque Four Way Street a été enregistré en 1971. Et on a eu droit à The Lead Shore, extrait donc de l'album live de Crosby, Stills, Nash & Young. Et ça, c'est en hommage à David Crosby, qui nous a quitté donc la semaine dernière. Donc, Acoustic Choc, c'est fini, mais Electric Choc, c'est maintenant. Et Electric Choc, je vous rappelle que c'est tous les mardis soirs, entre 19h et 21h, sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et là, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus métal, avec le deuxième album de Sins of Shadow, qui s'appelle Imperium. Vous devez commencer à le connaître. Et là, on va s'envoyer, pour se décrasser un petit peu les oreilles, Tears of Shadows. Fear is a Cruel Master, ça c'est le titre du cinquième album des Américains de Ruby the Hatchet et le morceau de ce soir était Amor Gravis. Juste avant Ruby the Hatchet, bien chez nous, Made in France, deuxième album pour Sins of Shadows et le morceau Tears of Shadows, extrait donc de l'album Imperium sorti en fin d'année 2022. Continuons toujours avec une voix féminine. Allons faire un tour du côté de Montpellier où Justine Blue vient de nous sortir donc son premier album. Donc mélange de rock, de blues, de jazz, enfin bref, il y en a pour vraiment tous les goûts pour cet excellent premier album de cette jeune chanteuse prometteuse qui nous délivre ce soir le morceau I Thought I Was Alone, extrait de l'album True. Trigging on. Kenny Wayne Shepherd, le légendaire bluesman, et son dernier album The Traveler, sorti en 2019, c'était le morceau Gravity. Juste avant, Kenny Wayne Shepherd, bien de chez nous, puisqu'elle nous vient de Montpellier, et elle vient de nous sortir son premier album intitulé True. Alors, si vous aimez ce genre un peu ouaté de jazz, rock, un peu blues, c'est un album vraiment indispensable. C'était I Thought I Was Alone, donc extrait donc de cet album, qui pour un premier jet, moi je trouve que c'est une artiste à suivre. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec quelque chose de peu plus méchant. Et oui, il en faut pour tous les styles. Avec le deuxième album des Perpignanais de Working Class Heroes. Donc Working Class Heroes, c'est un groupe qui mélange metal furibar avec plage électro. Par moment, on n'est pas loin de néo-metal. Enfin, il y a des choses très intéressante, et aussi un cocktail vraiment détonnant, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte sur cet album qui s'appelle No Excuses, No Remorses, oui, avec la faute d'anglais assumée, apparemment, oui, oui, avec le morceau Left 4 Dead 2, que je vous invite à découvrir tout de suite maintenant. Thank you. et son album éponyme, leur premier et le morceau Virtual Home à l'instant. Avant Nit, c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée, venue donc de Perpignan, Working Class Heroes et leur deuxième album No Excuses, No Remorses. J'insiste bien sur le No Remorses pour la faute. Left for Death 2 était le morceau de ce soir. Et il est 20h01 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Donc nous attaquons la deuxième heure d'Electric Shock. Electric Shock donc tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Avec le plus américain des groupes français, Highway, qui vient de sortir donc son cinquième album, dont on vous a déjà présenté des extraits ces dernières semaines, qui s'appelle The Journey. Et bah, cet album, il a une particularité, puisqu'il est quasiment acoustique. C'est bref, c'est en... Pour vous dire, c'est l'album idéal pour écouter si vous êtes au volant d'une décapotable sur la côte californienne. Mais enfin bon, par chez nous, c'est pas tout à fait le cas. Et donc, et si vous avez un cabriolet, je vous conseillerais pas trop en ce moment de faire ça. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez après tout. Toujours est-il que Highway, c'est quand même du très très bon rock en acoustique, éventuellement aussi. In the Circus of Madness, c'est ce qu'on va se mettre tout de suite maintenant. Far on the highway, I see a sparkling. My hands are stuck down the steering wheel already now. Nobody will be on my way. I'm tired but don't care. I'll sleep tomorrow, but on this journey. It seems I know, and I follow the white line which draws my way. But it's a strange. I've been here another day. I'm not. I'm not mine. Long time later, I see a shadow. I'm not dreaming. This girl I know, I'm feeling hard. Why would like the time to stop? But it's a strange. I'm not mine. I've been here. child and build a massive wall, afraid of all the crimes you never done before. The woman sheltered that is vanishing again, alone against the rain, alone against the rain. You cry for help and get surrounded by buffoons, erasing all your tools and your paint on one string, a tree of all things. Can't need to get my puzzle done, figure out each thing and everyone. One key for each and every door. When eyes are blind, turn out. The more you search, the less can be found. They're changing out there. They're changing all the time. They're changing out there. They're changing all the time. You're thrown into a field of roses every day, the thorns and blossom an infinity of ways. Maybe the hundredth bath will finally explain. Alone against the rain, alone against the rain. Came here to get my puzzle done, figure out each thing and everyone. One key for each and every door. When eyes are blind, turn out. The more you search, the less can be found. They're changing out there. They're changing all the time. They're changing out there. They're changing all the time. They're changing out there. Gunwood, extrait donc de son dernier album Dreamboat Jane, c'était Changing Out There. Et d'ailleurs, si vous aimez ce style, Gunwood sera en concert à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à la salle L'Unisson, oui, l'ancienne salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle, vendredi soir à partir de 20h30. Juste avant Gunwood, c'était le groupe Highway et le morceau In the Circus of Madness, extrait donc de l'album The Journey, qui est donc leur cinquième. Et donc, c'était la fin donc de la deuxième parenthèse Acoustic Shock. On va revenir à électrique, enfin là un petit peu différent, puisqu'on va se faire un peu du métal, comment dirais-je, plutôt on va faire un petit tour du côté des mythes scandinaves, bien que le groupe soit français. C'est le groupe Skald que vous devez connaître, qui a déjà fait un album qui s'intitulait Le Chant des Vikings en 2018, qui avait bien marché. Donc, mélange d'instrumentation traditionnelle avec des guitares, enfin plein de choses, comme ça se fait beaucoup et que ça a beaucoup de succès. Donc là, ils viennent de sortir leur deuxième album. Alors, la prononciation, excusez-moi pour ça, c'est puisque c'est de l'ancien norrois, Ulldufolk, voilà, qui est sorti donc le 20 janvier dernier. Donc, on y trouve des instruments comme la harpe, la cornemuse, enfin des choses très très différentes. Et aussi sur leur album, il y a deux reprises très intéressantes, une reprise de Cure, The Forest, et là j'ai trouvé aussi une version de Rammstein, de Du Hast, même en version, on va dire, comment dirais-je, très tribale, ben ça le fait quand même, mais c'est le côté indus est quand même toujours là. Donc on va découvrir cet album là tout de suite maintenant avec donc cette reprise de Rammstein, donc Du Hast repris par Skald, extrait de Ulldufolk. Enfin, excusez-moi pour la prononciation. every mountain, search high and low, follow every byway, every path you know. Ambiance glauque, hein, n'est-ce pas? Avec Laibar et Climb Every Mountain, extrait de l'album The Sound of Music, qui était ni plus ni moins qu'une réadaptation de ce classique de la comédie musicale, franchement mièvre, qui est en français ce qu'on appelle la mélodie du bonheur, mais repris à la sauce Laibar, ça a une autre saveur. Et Laibar, c'est nos Slovènes préférés, et si vous connaissez un peu ce groupe, avec son humour quand même très particulier, c'est clair qu'ils ont influencé énormément Rammstein. S'ils disent le contraire, c'est des gros menteurs. Juste avant, on va parler de Rammstein. C'était une reprise de Rammstein. Ça, c'était le groupe Skald avec son folk, son viking folk, extrait donc d'album Uldu Folk. Et c'était donc la troisième nouveauté de la soirée. Eh ben tiens, on va revenir à un album sorti au mois d'octobre que j'avais laissé de côté depuis un petit moment, dont on avait passé pas mal d'extraits parce que j'ai beaucoup aimé. C'est le deuxième album de Nothing But Echoes, intitulé The Sixth Extinction. Nothing But Echoes, c'est un metal moderne qui va entre le hardcore et le progressif. On pense à Hypnose, Architect, The Ocean, Leprous. Enfin, il y a plein de choses. Par exemple, avec ce morceau épique qui est Only West. Searching for and shining. C'est un peu les montagnes russes, hein, ce morceau. Hein. C'était donc Only West, extrait donc du deuxième album de Nothing But Echoes. On va faire maintenant un registre beaucoup plus rock, puisqu'on va revenir à un esprit très 70s, bien que le groupe soit très actuel. C'est le premier album de Bad Kings. Alors, vous devez commencer à le connaître. Ça fait quand même pas mal de semaines qu'on en diffuse dans Electric Shock, de Take Me Into Your Kingdom. Donc, un morceau très 70s s'appelle It's a Long Way Down, maintenant, tout de suite. Avouez qu'on aurait pu croire une démo oubliée de Bad Company. Et non, pourtant ce n'est pas Bad Company, ce n'est pas anglais. Ça nous vient de Hollande et ça date pas d'hier puisque ça date de 1978. C'est Teaser. Alors Teaser, pour la petite histoire, c'était le premier groupe de Adrian Vandenberg avant qu'il se fasse reconnaître sous son nom. Et puis après, bon, on sait la carrière qu'il a fait avec Whitesnake et j'en passe et des meilleurs. Donc extrait donc du premier album intitulé donc tout simplement Teaser, donc sorti en 78 et qui a été réédité en 2021 par l'excellent label Bad Reputation qui a justement profite souvent pour ressortir des vieilleries, des choses qui ne sont jamais sorties en CD, des choses, il y a toujours des choses très intéressantes sur ce label. Juste avant Teaser par contre, Made in France est tout récent puisque sorti en fin d'année dernière, le premier album de Bad Kings c'était It's a Long Way Down. Maintenant, on va se faire la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Et pour ça, je vais vous emmener faire un petit tour en Italie, découvrir le groupe Sleeping Romance. Sleeping Romance, qui vient donc de sortir son troisième album là au mois d'octobre, qui s'intitule We All Our Shadows. Vous dites, ouais, c'est un petit peu tard pour faire pas une nouveauté, mais en fait, pas du tout, puisque j'ai reçu ça à la fin de l'année dernière. Donc Sleeping Romance, c'est un groupe qui mélange metal, pop, plein de choses. On pense à, moi ça m'a fait penser à Evanescence, Within Temptation, Lacuna Coil, ce genre de choses. Et c'est très très bien foutu. Ça manque peut-être un petit peu de personnalité, mais enfin bon, c'est bien, c'est pas mal du tout pour un jeune groupe quand même qui existe depuis assez peu de temps. Découvrons cet album avec le morceau CMN Call My Name. Charlotte Wessels, l'ancienne chanteuse donc de D-Lane, et son album solo Tales from Six Feet Under Volume 2, sorti donc fin d'année dernière, et c'était le morceau Human to Ruin. D'ailleurs, si vous êtes fan de D-Lane, le prochain album avec la nouvelle chanteuse devrait sortir début février. Juste avant Charlotte Wessels, c'était la dernière nouveauté de la soirée, venue d'Italie et leur troisième album. Le groupe Sleeping Romance, et l'album c'était We All Our Shadows, et le morceau Call My Name. Eh bien, on va se terminer avec un morceau épique. Enfin, ce soir, vous en avez eu pas mal, hein, de morceaux épiques, avec un classique du hard rock, puisqu'on va se faire une version de Child in Time, mais une version avec Steve Morse, une des rares fois où Steve Morse a joué ce morceau. D'ailleurs, après, le groupe ne l'a quasiment plus rejoué. Donc, en 95, à l'époque où le groupe était encore en train de se roder avec le nouveau venu dans le groupe. Donc, vous allez entendre, c'est comme différent de Ritchie Blackmore, mais ça le fait quand même. Et ça, c'est extrait du CD-DVD Bombay Calling Live in 1995, sorti cet été. time, you'll see the line that's drawn between good of us and the bad of us. See the blind man, he's shooting at the wild, the bullets flying, oh, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been healed by flying dead. You better close your eyes and bow your head. Wait for the ricochet. Ooh. Ooh. Ooh. I want you. On arrête là parce que sinon après ça part en solo. Vous aurez reconnu donc le classique de Deep Purple, Child in Time, enregistré donc à Bombay en 95, et c'est une des dernières fois que le groupe l'a joué, parce que bon, vocalement, faut reconnaître que c'est quand même très très difficile. Eh bien, merci à vous d'avoir écouté ce numéro d'Electric Shock. J'espère vous retrouverez aussi nombreux la semaine prochaine, où j'aurai encore des nouveautés et des choses à vous faire découvrir, comme à chaque fois. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel. Et je vous dis à mardi, salut à tous! Da direita ao Poku a baixar-se para evitar o cabeceamento de Paulinho, de primeiro ao japonês a rematar forte, a bola não ia muito colocada, mas mesmo assim João Basso a jogar pelo seguro e a colocar-se à frente de um remate numa altura em que o Everson está no relevado a receber assistência médica. Fábio Veríssimo interrompe a partida.